L'Association d'études de la politique de Sungun de la Grande-Bretagne a inséré le 21 septembre dans son page d'Internet des écrits condamnant les exercices de provocation de guerre nucléaire des États-Unis et les démagogies des droits de l'homme des autorités sud-coréennes contre notre République qui s'avère de plus en plus ouvert.